الرحمن الرحيم وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولم قال رب أرني أنظر إليك ولم فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله العظيم Nous souhaitons la bienvenue au nom de la Tariqa Qadiriyya Bouchichiya. Nous assisterons ce soir à des séances de chants soufis, le sama' ou audition spirituelle. L'écoute de ces chants est essentielle car elle nous permet d'entrer en phase avec les significations spirituelles profondes véhiculées par la beauté de ces chants poétiques. Permettez-moi de vous présenter le programme de cette soirée. En premier lieu, nous assisterons à une première séance de Samaa, puis à une intervention en langue française, suivie d'une audition spirituelle offerte par l'ensemble Gilani, composé de disciples français de la Tariqa, puis à une intervention en langue anglaise, suivie d'une troisième séance de Samaa. La soirée sera clôturée par un cocktail, ainsi qu'une exposition sur l'art de la calligraphie arabe. Honored guests, dear friends, on behalf of the Qadiri Abu Chishiya Sufi Order, we would like to thank you for coming to this evening dedicated to Samaa or Sufi singing. Listening to these songs is essential as it enables us to be in unison with the profound spiritual meanings conveyed by the beauty of these poetic songs. Allow me to present you the program for this evening. First of all, we will listen to the first session of Samaa, Sufi singing. Then we'll have a talk in French offered by Dr. Fawzi Sqalli, followed by the second session of Samaa, which will be offered by French disciples of the Tariqa. Then we'll have a small talk in English. And the evening will be ended by a cocktail, by having tea together, which will be an opportunity for you to enjoy an exhibit on the art of Arabic calligraphy. Thank you very much for your attention. ونترككم الآن مع الحصة الأولى من السماع. Maintenant, place à la première séance d'audition spirituelle. Now, we'll listen to the first session of Samaa. Thank you very much for your attention. المحسن المبدئ المعيد المحيي الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المبتدئ المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور فكن في يدي لك الفرقة أو الجامعك لك إن فرقة أو إن جمعك كيفما شاء فكل في يدي لك إن فرق أو إن جمعك إلهي يا سميع يا بصير إلهي Yeah. ألا